un mystère. Merci. Nous sommes au rendez-vous avec les dieux de l'univers. Avec toi, Seigneur. Nous sommes fiers de toi, ô Dieu. Nous sommes fiers de toi, notre Père. Notre Rédempteur. Notre Consolateur. Remplis ces lieux de ta présence. Merci pour tes anges qui montent et descendent. Merci pour ta puissance disponible. Merci pour les œuvres de l'Esprit. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour ta présence et tes objectifs de ce soir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un est content d'être là ce soir? Je peux te voir si tu es content. Celui qui est content peut exulter de joie et crier sa joie devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Exprime à Dieu ta joie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, exprimer à Dieu notre joie? Si c'est vrai, exprime la joie qui est vraie. Onyesha Mungu furaha ambayo ni kweli. La joie qui est vraie. Kama ni kweli unaweza kuionyesha. Alléluia. Détends ton cœur. Détends ton cœur. Onyesha moyo wako. Fungula roho. Ouvre ton cœur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Asante bwana. Asseyons-nous. Tunaweza kuketi. Alors rapidement, nous voulons poursuivre sur notre sujet. Araka tunatafuta kuendelesha mada yetu. Les fondements d'un ciel fermé. Misingi ya mbingu inayofungwa. Sur la vie d'un homme. Juu ya maisha ya mwanadamu. Ou d'une femme. Ama mwanamke. Et hier, nous étions en train d'introduire en montrant la nécessité de la révélation, mais qui est suivie de l'illumination. Parce que certaines révélations sont restées sans effet aussi longtemps que l'esprit de celui qui est révélé s'ouvre. Aussi longtemps que la lumière de Dieu vient dans ton esprit pour être capable de lire la révélation, de regarder dans la révélation, de voir les détails de la révélation et d'être capable de pénétrer dans la révélation. Parce que sans cela, c'est souvent très difficile d'évoluer. Et nous avons dit que nous faisons face à une révélation. Le ciel ouvert. C'est une grande révélation. Que nous comprenions ce que se passe lorsque Dieu peut ouvrir son ciel sur quelqu'un. Mais qu'il faut alors obtenir l'illumination pour que nous puissions être capables de mesurer les contenus. Les contenus du ciel ouvert. Afin d'accéder à ça, de pénétrer dedans et d'en jouir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais revenir sur un sujet plus tard à la fin, si Dieu nous donne le temps. Mais Jésus est venu ouvrir son ciel sur l'humanité. Et les premiers bénéficiaires, c'était les apôtres. Et tous savaient que c'est ça le Messie. Mais il y a quelqu'un parmi eux qui n'a pas eu l'illumination pour voir que c'est le Messie qu'on attendait. Judas. Judas. Vous voyez Judas? Munona Judas. On pourrait dire il dort avec le ciel ouvert. Tunaweza kusema analala pamoja na mbingu inayofunguliwa. Il dort dans le ciel ouvert. Analala ndani ya mbingu inayofunguliwa. Il marche dans le ciel ouvert. Anatembea ndani ya mbingu inayofunguliwa. Mais lui-même ne se rend pas compte. Lakini yeye mwenyewe hagundui. Et il est dans autre chose. Na iko ndani ya mambo. Il vole l'argent. Anaiba pesa. On lui a donné un grand poste. Le ministre de l'économie ou des finances de l'équipe. Mais il n'a pas eu l'illumination pour se rendre compte que c'est Jésus ici venait pour se faire pauvre afin de nous enrichir. Il touchait les sous na alikuwa anagusa ile pesa du Messie, pesa ya Masia, les peu de sous du Messie. Il gérait ça, il avait ça, ile pesa kidogo ya Masia yeye ndiye aliyekuwa anaiongoza. Mais ses yeux sont restés fermés, lakini macho yake yalibaki sur la révélation de Jésus, juu ya ufunuo wa Yesu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Et quand vous parcourez la Bible, vous allez trouver beaucoup de cas. Dans les grâces des sondages, je vous ai partagé sur le retour de l'Arche de l'Alliance. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Et que les gens ont reçu l'Arche de l'Alliance dans les champs. Et ils l'ont laissé là sur une pierre. Ça fait 7 mois. On a pillé notre Dieu. C'est ce Dieu qui fait le secret et le mystère de notre famille Israël. On l'a pillé. Et puis ce Dieu s'est ramené lui-même. Avec des vaches. Des animaux ont ramené Dieu. Et ces gens ici ne se sont pas rendus compte jusqu'à ce que la colère de Dieu a éclaté. 70 morts. Pourquoi? Vous me traitez comment vous là? Les passants voient l'Arche de l'Alliance dans les champs là-bas. Sur une pierre. Vous m'exposez comment ça? C'est quoi ça? Ça c'est bon. Merci frère, ça c'est une révélation aussi. Amen. Vous m'étalez comme ça. Et ces gens, ils ont dit, ce Dieu va nous finir. Quel est le peuple qui est suffisamment saint qu'il vienne le prendre et partir avec? Vous voulez que les autres prennent votre Dieu et partent avec? Et puis il y a un peuple à côté, il y a une tribu à côté qui est venue prendre. Et aussi même chose. Ils ont engagé un jeune homme pour s'occuper de l'Arche de l'Alliance chez qui? Eleazar. Chez Obededom. Non. Et le jeune homme, il est resté avec l'arche. Il dit, je suis venu moi-même pour avoir pitié de vous. Vous rappelez ce que nous avons lu dans Ésaïe 65 hier? Que Dieu, je me suis présenté à un peuple qui ne comprend pas. Et je passe mon temps à dire et à crier, mais voici, mais voici, mais voici. Dieu, mais voici, si munitique, acceptez-moi, mais voici Dieu, Mungu. Ésaïe 65, verset 1. Isaïe, mais voici, mimi huyu. Vous voyez, Dieu a souffert de ça depuis longtemps. Hein? Mungu ameteseka na hii tangu zamani. On est samedi aujourd'hui. Il est possible que même jusqu'à ce samedi, Dieu souffre de ça dans cette assemblée. Et qu'il est en train de dire, mais voici. Et tu ne comprends pas toujours. Hein? Alors, il est important Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Paulo anasema aangazie macho ya roho yenu. Afin que vous compreniez ce qui s'attache, les richesses qui sont contenues dedans, que vous puissiez saisir, afin d'être capable de pénétrer dedans. Parce que si vous ne comprenez pas, vous allez rester des admirateurs des témoignages des autres. Vous avez déjà entendu cette phrase. Dans notre église, il y a beaucoup de témoignages. Hein? Et quel est ton témoignage? Il y a beaucoup de témoignages dans notre église. Hein? Et ton témoignage est où? Et c'est ça l'objet de ce deuxième chapitre. Pour dire attention, nous avons vu que Dieu veut ouvrir son ciel. Et quand il ouvre son ciel, c'est que ce qui arrive et les merveilles de ce ciel ouvert, les garanties de ce ciel ouvert. Okay. Alors moi, comment j'y accède? Est-ce que mon ciel est déjà ouvert? Quel sera mon sort dans cette arène des ciels ouverts? Qu'est-ce qui va se passer avec moi? Et quel serait mon problème? Qu'est-ce que mon problème a fait? Est-ce que mon ciel est déjà ouvert? Et s'il n'est pas ouvert, quel peut être le problème? C'est ça l'objet du deuxième chapitre. Et nous avons commencé hier à parler de la désobéissance. Nous avons vu depuis la Genèse comment Dieu a formulé la vie avec lui, c'est-à-dire la relation que nous devons avoir avec lui. Amen. J'aimerais préciser ici une chose. Que l'obéissance est regardée par certains comme une mauvaise chose, comme une chose dure, comme une chose. De même que certaines femmes regardent leur féminité comme mateso. Na wanawake wengi nao wanaangalia mama wao uke wao kama vile mateso. Mungu niumbia kama mwanamke jua nini? Pourquoi tu m'as créé femme? Pourquoi tu m'as mis sous elle? Il y a des messieurs qui un monsieur qui doit dominer sur moi. Un monsieur là. Kuna bwana mmoja ambaye ana sheti atawale juu yangu. Bwana asifiwe. Amen. On avait mariage tout à l'heure ici hein. Tulikuwa na ndoa hapa sasa. Il y a des gens qui comprennent pas certains concepts. Kuna watu ambao waelewe misemo fulani fulani. Je disais à un couple. Nilikuwa nikiwaambia wanandoa wamoja. Votre problème, shida yenu, c'est la redéfinition des concepts. Ni kufasiriwa upya kwa maneno. C'est quoi les mariages? C'est quoi les maris? C'est quoi la femme? C'est quoi? Et tous ces vocabulaires dans le mariage, si vous réussissez à les définir et avoir une même définition, et à les comprendre de la même manière, votre foyer va monter et décoller. La compréhension. Bon asifiwe. Amen. Bon asifiwe. Amen. Alors Dieu, dans le jardin d'Eden, au chapitre 2, il crée le jardin d'Eden. Et à la fin de la description, il termine par le principe de l'obéissance. Anamaliza kwa kanuni ya utiivu. Regardez cela avec moi. Angalia hii pamoja. Genèse chapitre 2. Mwanzo sura 2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais vous montrer quelque chose que je veux appeler l'obéissance amoureuse. Utiivu wa mapendo. La vraie obéissance, utiivu wa kweli. C'est une obéissance amoureuse. Ni ile utiivu wa mapendo. L'obéissance qui tient dans ce monde, utiivu wa mbona c'est l'obéissance amoureuse. Ni utiivu wa mapendo. On va regarder ça. Tutaiona. Regardez. Tazama. À partir du verset 15, kuanzia sura mstari wa 15, il est écrit. Imeandikwa. Lisons ensemble. Tusome pamoja. Point. Nocta. Quand vous commencez la lecture au verset 16, vous allez vous dire, mais Dieu, tu montres des choses difficiles comme ça. Unaleta vitu vigumu kama hivi. Tu nous mets dans le jardin, tu mets des conditions. Unatuweka ndani ya bustani na kesho unaweka masharti. Laisse-nous comme ça. Si utuache hivi. L'obéissance utiivu devrait être amoureuse. Regardez comment Dieu introduit les choses. On commence maintenant la lecture au verset 8. Regardez à partir de là. Alléluia. Amen. Vous avez trouvé. Mumepata. On y va au lit à partir verset 8. Puis, l'Éternel Dieu plantant un jardin en Éden du côté de l'Orient où il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre la vie au milieu du jardin et l'arbre la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il s'est divisé en quatre bras. Le nom du premier était Pichon. C'est celui qui entoure tous les pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ces pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon ou Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays des couches. Le nom du troisième est Idekel, c'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le gérer. Pour le gérer. Vous voyez quelque chose? Quand Dieu demande l'obéissance, il fait précéder l'obéissance avec des bonnes choses. Des bonnes choses. Pour que l'obéissance soit une réponse amoureuse, une réponse de gratitude, une réponse de joie. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Il plante un jardin. Il s'assure de tout placer correct, important, délicieux, merveilleux, c'est bon. Et dans le jardin, il a mis l'arbre de vie. Il a mis les arbres à voir seulement pour leur beauté. Il a mis les arbres à manger. Et il a mis les arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous faites la liste de tout ce que Dieu vient de placer dans le jardin, vous pouvez vous rendre compte que l'arbre, la connaissance du bien et du mal, c'est juste une unité parmi plusieurs réalités qu'il vient de mettre dedans, des réalités bien. Unaweza kuona kwamba hii mti ya kujua mema na mabaya inakuwa moja ndani ya vitu vingi ambavyo Mungu ameweka ndani ya bustani. Écoutez-moi. Quand Dieu te demande de lui obéir. Wakati Mungu anakuambia umtii. Est-ce que c'est méchant? Je kabisa ni mbaya. Pourquoi il te dit de lui obéir? Sababu gani anakuambia umtii? Parce qu'il sait qu'il a fait tellement beaucoup de choses dans ta vie. Sababu anajua kwamba amefanya kabisa vitu vingi maishani mwako. Et que tu ne pourras que obéir. Na kwamba unachoweza kufanya ni kutii tu. C'est tout ce que tu peux faire c'est de lui obéir carrément. Ile yote ambayo unaweza kufanya ni kumtii tu. Quelqu'un me capte? Kuna mtu ambaye ananipata? Quelqu'un a chanté compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre n'est grand. Essaye de compter ce que Dieu a fait pour toi. Unaweza pima ambao Mungu amefanya juu yako. C'est bon? Et vizuri. Mon épouse vous, nous disait hier que Dieu m'a béni plus que vous tous. Mke wa mchungaji alikuwa akisema jana ya kwamba Mungu amenibariki kushinda ninyi wote. Ni kweli? Elle confirme. Yeye anahakikisha. OK, maintenant Dieu tu m'as béni plus que tout le monde. Sasa Mungu amenibariki kushinda watu wote. Ça va être difficile à moi de t'obéir? Je itakuwa vigumu kabisa kwangu kukutii. OK. Sawa. Est-ce que il faut se comparer aux autres pour dire Seigneur, moi tu m'as donné seulement une voiture, celui-là tu lui as donné trois voitures. Donc moi je commencerai à t'obéir quand tu me donneras aussi trois voitures. Useme ya kwamba umepatia fulani gari mbili, mimi umenipatia tu moja, utakaponipatia ya pili ndipo nitaanza kukutii. Est-ce que ça a des relations? Dans ta localisation pour le moment, Dieu prévoit une voiture. Une atocha. Ça suffit. Loue Dieu avec. Obéis. Ti. Ok, laissons même les voitures, les choses extérieures. La manière dont Dieu t'a fabriqué là. Tu respires encore? Combien respire ici? Ah bon? Ah. Je crois que vous respirez pas. Mimi nawaza kwamba hamupumui. Qui a fabriqué sa propre respiration? Nani ambaye amejitengenezea kupumua yake yeye mwenyewe? Tu as fait? Tu peux lever la main toi, c'est moi là. Unaweza kunyosha mikono unasema ni mimi ndimi nimejitengenezea. Nyosha mkono. Vous savez même lorsque on peut vous mettre la respiration artificielle. Unajua hata wakati wanaweza kukutilia kupumua kupitia vyuma. Cette respiration dépend du fonctionnement global de ton corps. Ile kupumua inalingana na kutumika. Si le fonctionnement global de ton corps. Kama kutumika kwa mwili wako. N'est pas d'accord avec l'appareil là. Haikubaliane na ile. Ça fonctionne pas. Mambo haiendeki. Combien respire ici? Wangapi wanapumua hapa? On peut acclamer le Seigneur pour tunaweza la respiration. Kumshangilia Bwana kwa ajili ya pumuzi. Il est écrit, les vivants sont ceux qui t'adorent. Imeandikwa wanaoishi na kuabudu sababu wanaokufa. Les morts. Wafu. Les morts font quoi? Wafu wanafanya nini? Ils ne peuvent pas te louer. Hawawezi kukusifu. Les morts, tanzia wapi? Tu vas commencer par Wende loue kule yulu. Va louer là-haut. Bwana sifiwe. Amen. Donc l'obéissance ni kusema utiivu. C'est un principe divin fondamental. Inakuwa kanuni ya Mungu ya msingi. Et au commencement, na mwanzoni, Dieu dit, Mungu anasema, cultive le jardin. Lima shamba bustani ile. Gère le jardin. Ongoze shamba. Troisième instruction. Obéis. Agizo la tatu, ti. On peut le dire ensemble. Tunaweza kuisema pamoja. Cultive le jardin. Lima bustani. Gère le jardin. Goza bustani. Obéis-moi. Na uniti. Quelqu'un voit ça? Kuna mtu anaona hii? Et au travers de toute la parole. Na kupitia neno lote. Vous allez constater. Utagundua. Que l'obéissance. Ya kwamba utiivu. Est toujours présentée ou précédée par une note positive. Inatangulizwa na kitu kilicho kizuri. Regardez avec moi. Tazama pamoja. Exode chapitre 20. Kitabu cha Kutoka. C'est là où nous trouvons les 10 commandements. Ni hapo ndipo kuna que les gens n'aiment pas. Amri 10 ambazo watu hawazipendi. Ma commandement na tutesa. Les commandements nous font souffrir. Regardons l'introduction. Tutazame kiingilio. Verset 1. Shaili la kwanza. Exode 21. Kutoka 20 mstari wake wa kwanza. On peut lire ensemble. Tunaweza kusoma pamoja. Alors, na sasa, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Mungu akasema maneno yote hii, akisema, je suis mimi, l'Éternel ton Dieu wa milele Mungu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ndani ya nyumba ya utumwa. La suite c'est quoi? Inayofuata ni nini? Tu n'auras pas... Hautakuwa na miungu mingine mbele. Jolie introduction. Inakuwa ni kiingilio nzuri. Dieu dit aux êtres humains. Mungu anaambia wanadamu. Je vais vous donner les 10 commandements. Nitawapatia amri 10. Mais voici l'introduction. Lakini tazama kiingilio. Je suis le Dieu. Mimi. Quel Dieu? Ni Mungu gani? Quel Dieu? Mungu gani? Je suis l'Éternel. Mimi ni wa milele. Ton Dieu. Mungu wako. Qui a fait quoi? Aliyefanya nini? C'est-à-dire quoi? Inamaanisha nini? Dieu dit, Mungu anasema, ou Dieu veut dire, ama Mungu anahitaji kusema, commandement je hizi hapa kumukongo, c'est ça les commandements ici. Lakini si kona jileta leta. Mais je ne m'amène pas. Unasikia hiyo kusiku Swahili? Si jileta leta mumaisha yako. Je ne m'amène pas dans ta vie de force. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Je ne suis pas un tyran. Mimi siko mutawala mbaya. Je te rappelle ce que je suis pour toi. Ninakukumbusha ile ambayo niko kwa ajili yako. Et si tu comprends ce que je suis pour toi, na ukielewa ile ambayo niko juu yako, tu vas aimer mes lois. Utapenda sheria zangu. Tu vas obéir avec amour. Utatii pamoja na upendo. Je suis le Dieu mimi ni Mungu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, niliye kutoa toka nchi ya Misri, de la maison de servitude, ndani ya nyumba ya utumwa. Tu veux dire quoi, Seigneur? Unahitaji kusema nini, Bwana? Le Seigneur veut aussi dire, Bwana anahitaji kusema pia, moi ton Dieu, mimi Mungu wako, je suis mieux, niko mzuri, que tout ce que tu as connu, kuliko wote ambao uliwajua. Et si tu peux obéir à quelqu'un, na kama unaweza kumtii mtu, obéis-moi. Unitii mimi. Autrement, kwa maneno mengine, quand tu étais en Égypte, wakati ulipokuwa hapa Misri, tu obéissais. Ulikuwa unatii. Au tyran. Kwa mtawala mbaya. Et tu obéissais. Na ulikuwa unatii. Par résignation. Sababu ya nguvu ambayo ilikuwa juu yako ya kukushurutisha. Tu obéissais à des gens qui ne t'aimaient pas. Ulikuwa unatii watu ambao wakupendi. Tu obéissais derrière le fouet. Ulikuwa unatii sababu kuna fimbo nyuma yako. Mais moi, lakini mimi, ton Dieu, Mungu wako, je t'ai fait sortir de là. Nimekutoa huko. Et voici quelques petits commandements. Natazama sasa amri kidogo ambazo nakupa. Tu acceptes ça avec amour. Je unazikubali pamoja na upendo. Tu obéis. Ila ama unanitii. Le psalmiste dit, na mwimbaji wa Zaburi anasema, Éternel, wa milele, j'aime ta loi. Napenda sheria zako. On peut dire avec le psalmiste, tunaweza kusema pamoja na mwimbaji. Allons-y. Twende pamoja. Wa milele. Tunasikia hata masauti tuko chini. Tianta même le voix sont en bas. En fait, l'être humain n'aime pas les lois. Inawezekana haupendi hata sheria. Les êtres humains ils n'aiment pas les lois. Wanadamu hawapendake sheria. Ils aiment la liberté, wanapenda uhuru, mais la liberté que eux-mêmes définissent. Na uhuru ambao wao wenyewe wanaweka. De sorte que la liberté que je veux, ni kusema uhuru ambao unataka, n'est pas nécessairement la liberté que toi tu veux. Haiko uhuru ambao wao mwingine unataka. Et si on est à 1000 ici, na kama tuko 1000 hapa, chacun demande la, il y a 1000 demandes de liberté ici. Unakuwa ombi la uhuru 1000 hapa. Or, ijapokuwa Dieu Mungu jette les bases du fonctionnement des de l'humanité ya mitumikio ya ulimwengu en mettant trois clauses akiweka makanuni tatu cultiver mulime c'est-à-dire travail inamaanisha kazi gérer mutawale c'est-à-dire leadership inamaanisha uongozi obéir kuti obéir kuti obéir kuti dans une entreprise ndani ya kampuni retrouvez ces trois choses et vous allez me dire que cette entreprise marche. Tu peux avoir une entreprise où on cultive et on gère. Mais s'il n'y a pas obéissance, ça ne marche pas. Même la maison de Dieu prêche bien, prie pour les âmes, mais enlève l'obéissance. Cette église n'ira nulle part. Avez-vous déjà observé que le plus grand mal dans l'église aujourd'hui, c'est l'absence d'obéissance? C'est vrai? C'est vrai? Quand il y a absence d'obéissance, wakati kuna ukosefu wa utii, l'église s'arrête. Kanisa inasimama. On va dire, nous allons avoir deux semaines de jeûne et prière. Oui, pasteur. Tutasema tutakuwa na wiki mbili ya mafungo na maombi. Ndio mchungaji. Personne ne jeûne. Kisha hakuna anayefunga. Et on vient à l'église. Na tunakuja kanisani. Et on n'a pas jeûné. Na hukufunga. Et on dit au pasteur, c'est entre moi et Dieu. Donc Dieu, c'est un désobéissant. Il m'a encouragé à désobéir. Amen. Je ne vais pas vous demander qui a gêné. Ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous scandaliser. Mais ta conscience a déjà répondu. Amen. Amen. Amen. Amen. La chose qui fait marcher les sociétés, que ce soit même des sociétés sans Dieu, est l'obéissance positive. Utivu nzuri. Pourquoi obéissance amoureuse? Sababu gani utivu ya mapendo? Parce qu'il y a deux autres catégories d'obéissance. Sababu kuna aina nyingine mbili ya utivu. Il y a l'obéissance par résignation. Kuna utivu dont je viens de parler. Il y a l'obéissance par séduction. C'est-à-dire, tu obéis, non pas parce que tu aimes cette personne, mais tu veux le séduire. Le roi Saül a vécu ça. Dieu lui a dit, va, livre Amalek à l'interdit, extermine-le. Et Saül, le roi Saül, a désobéi. Il n'a pas fait ce que Dieu lui a dit. Il a pris quelques meilleurs animaux qu'il a trouvés dans le pays avec comme prétexte, je vais aller faire les offrandes à l'Éternel. Je vais amener ça à Dieu comme offrande. C'est-à-dire, comme il y a l'instruction d'offrir à Dieu, j'ai désobéi, je prends les choses et je vais aller avec ces choses pour séduire Dieu sur un terrain d'obéissance. Et il veut donner. Et quand l'homme de Dieu vient lui dire, Comment ça va? Il dit non, la guerre s'est très bien passée. Et l'homme de Dieu lui pose la question, qu'est-ce que le bruit que j'entends derrière la maison? Il dit non, bon, c'est le peuple qui a décidé, tu vois, ils ont pris et puis etc. Et ils ont dit qu'ils vont offrir à Dieu. Donc vous voulez séduire Dieu par une fausse obéissance. Fausse obéissance. Obéissance de séduction. Avez-vous déjà vu cela? Quelquefois dans les couples, non? Mara ndani ya ndoa. Tu fais les choses. Unafanya mambo. Pour séduire la femme. Ili tu mvutie mwanamke, mke wako. Ou ton mari. Ama mme wako. C'est leo, bibi yangu leo yuko, vraiment, elle a fait tout ce que j'ai demandé. Aujourd'hui, ma femme a fait tout ce que je lui ai demandé. Le nyanataka a introduit. Alors qu'elle a une requête qu'elle veut introduire. Tout ce qu'elle fait là, c'est une introduction. Elle va introduire un besoin. Obéissance, c'est diction. Ce genre d'obéissance ne dure pas. Même l'obéissance et résignation ne dure pas. Pourquoi? Parce que c'est mécanique. C'est mécanique. On n'obéit pas à résignation. Parce qu'on a peur d'un châtiment. Et le jour où la peur du châtiment va cesser, on va retourner dans la nature normale de la désobéissance. Quelquefois, on se résigne. Et on n'obéit pas à résignation. Parce que on se dit, on ne sait jamais. Unasema mtu ajuake. Mais les on ne sait jamais ne sont pas durables. Lakini ile mtu ajuake, haikuwake na dumu. C'est pas tous les jours que tu vivras par les on ne sait jamais. Haiku kila siku nipo utaishi mtu ajuake. Mais si tu as l'amour, l'obéissance amour. Lakini kama una utiivu mapendo. Ou l'obéissance amoureuse. Ama utiivu wa mapendo. Elle va demeurer. Itadumu. Elle va demeurer. Itadumu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, ndani ya maisha ki Kristo, les gens qui ont tenu longtemps dans la vie chrétienne, ce sont ceux qui ont appris à obéir à Dieu par amour pour Dieu. Ambao wamejifunza kumtii Mungu kupitia upendo wanao juu ya Mungu. Et vous pouvez trouver d'autres formes d'obéissance. Na mnezi kupata aina nyingine ya utivu. Obéissance stratégique. Utivu kabisa kimbinu. Stratégie. Mbinu za ujanja. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous sommes en train de dire. Lakini tuko tunasema. La désobéissance. Wasi. C'est l'un des premiers fondements du ciel fermé. Ni moja ya misingi za kwanza za mbingu inayofungwa. La désobéissance wasi ferme le ciel. Inafunga mbingu. Qu'est-ce qui a fermé le ciel pour Adam et Ève? Nini iliyofunga mbingu juu ya Adamu na Eva? La désobéissance. Ilikuwa ni wasi. Quel est notre premier problème sur la terre? Shida yetu kwanza duniani ni gani? Adam et Ève ont désobéi. Adamu na Eva waliasi. Il est possible. Inawezekana. Que certains des problèmes que tu as. Ya kwamba moja wapo ya shida unazo. Ont été engendrés par une désobéissance. Zilitokana na uasi. Et la désobéissance na uasi a commencé au ciel par Satan. Ilianza mbinguni kupitia Shetani. La Bible dit il pêche depuis le commencement. Biblia nasema anatenda zambi tangu mwanzo. La désobéissance. Wasi. Regardez. Tazama. Je reviens pas à l'arche. Ninarudi hapa. nous sommes Tuko. Au moins 500 ouvriers à l'arche. Tuko karibuni watumishi wa kanisa hili 500. Au début de l'année passée, mwanzo wa mwaka uliopita, à la journée des ouvriers, kwa siku ya wafanyakazi wote kanisani, nous nous sommes convenus tulikubaliana que chacun gagne au moins une âme par mois. Ya kwamba kila moja ana wina nafsi moja kwa mwaka. Moja tu kwa mwezi. Na l'année est terminée. Mwaka ulisha. Je ne vais pas non plus encore vous scandaliser. Sita pour demander wauliza tena sur les 12 qui devaient arriver durant les 12 mois. Juu ya wale 12 ambao ungepaswa kufika kwa miezi 12. Tu as amené au Seigneur combien? Uliwaleta wangapi kwa Bwana? 2, 3, 7, 8, 9, 30. Quel était le problème? Shida ilikuwa ni gani? La désobéissance. Uasi. Je vous choque? Nina wakwaza. Est-ce que vous repérez que la désobéissance nous cherche partout dans ya kwamba uasi na tutafuta mahali pote. La désobéissance, uasi. Ça nous fuit, ça nous cherche. Iko na tutafuta kwa nguvu. Jiva sana tutafuta na torche. Désobéissance. L'esprit de désobéissance. Roho wa uasi. Nous cherche par tous les moyens. Ina tutafuta kwa njia zote. Parce que c'est ce que Satan a fait depuis le ciel. Sababu ni hiyo ndio ambayo shetani. C'est ce qu'il est venu faire au commencement de l'humanité, Adam et Ève. Na hiyo ndio alikuja kufanya. Et jusqu'aujourd'hui, c'est ce que Satan fait. Eva, na hadi leo hiyo ndio shetani anafanya. Pousser les gens à désobéir à leur créateur. Kuwasukuma watu. Pousser les êtres humains à aller dans le contraire de tout ce que Dieu veut. Kutuma wanadamu waingie ndani ya kinyume ambao Mungu anahitaji. Pousser les enfants à désobéir aux parents. Kuwatuma watoto waasi wazazi wao. Regardez, on a vu au commencement, n'est-ce pas? Tazama si tuliona kwa mwanzo. Dans l'ancienne alliance. Ndani ya gano la kale. L'obéissance. Quand vous venez dans le Nouveau Testament, unapokuja ndani ya gano jipya. Ephésiens chapitre 6. Wa Efeso sura 6. Verset 1 suivant. Mstari wa kwanza na lisons cela. Tusome pamoja. Lorsque Dieu conçoit la famille, Mungu anapo unda jamaa, il commence au chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris. Marie, aimez vos femmes. Wamewenu, et au chapitre 6, verset 1, sura sita, il est dit quoi? Il est dit quoi? Anasema, enfants, watoto, obéissez à vos. Watini, selon le Seigneur, car cela est hiyo, ainsi de suite. Quelle est la suite? Inayofuata ni nini? Honore ton père, ta mère. Heshimu baba na mama yako. C'est le premier. Est-ce que vous avez vu le premier? C'est le premier commandement avec une promesse. Ni amri ya kwanza pamoja na ahadi. Et je vais paraphraser Paul pour dire, nitasema kwa maneno mengine maneno ya Paulo. Des premiers commandements sur cette terre. Ni moja wapo ya maagizo ya kwanza hapa duniani. Afin que tu vives longtemps ili uishi siku nyingi, et que tu sois heureux, na uwe mwenye heri, obéis à tes parents. Watii wazazi wako. Retournons au jardin d'Eden. Turudi kwenye bustani ya Eden. Il y a trois personnes. Kuna watu watatu. Adam, Adamu, Eve, Eva, et Dieu. Na Mungu. Afin obéissez à vos parents. Watoto muwatii wazazi wenu. Dieu au jardin d'Eden c'est qui? Mungu ndani ya bustani. C'est le papa. Nani? Yeye ndiye baba, mzazi. On acclame le Seigneur. Tunashangilia Bwana. La première famille jamaa ya kwanza au jardin d'Eden, ndani ya bustani ya Eden, c'est Dieu et Adam et Eve. Ni Mungu Adamu na Eva. Comment ça s'est passé? Namna gani mambo ilipitikana? Dieu a engendré Adam. Mungu alimzaa Adamu. Adam a engendré Eve. Adamu akamzaa Eva. Le papa c'est qui? Baba ni nani? Dieu. Ni Mungu. Enfant, c'est-à-dire Adam et Ève, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Remettez les Éphésiens selon le Seigneur, car cela est juste. Pourquoi c'est juste? On a vu l'introduction à partir du verset 8 du chapitre 2 de Genèse. Pourquoi c'est juste? Parce que c'est Dieu qui vous demande de lui obéir. Avant de vous demander de lui obéir, il a dressé un bon cadre. Il vous a fait du bien. Et puis tout ce qu'il a créé, il a fait converger sur votre bien. Je vous ai dit dans le passé, l'amour peut être défini. Aimer kupenda veut dire inamaanisha converger toutes choses kugeuzia mambo yote au bien de celui que tu aimes. Kwa mema ya ulo na yempenda. Ça, c'est la définition de Dieu. Hii nakuwa ni ufananuzi wa Mungu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais retournons dans le jardin d'Eden. Ce même amour-là. Dieu crée les cieux et la terre. Puis il crée le jardin d'Eden. Puis il arrange les détails du jardin d'Eden. Tu fais ça pour qui? Pour l'homme. Ensuite, Dieu fait converger tout l'univers au service de l'homme. Ce n'est plus seulement les arbres, les fruits, les fleuves, l'or qui est là, mais même le soleil doit servir Adam. L'atmosphère doit servir Adam. Les pluies doivent servir tout. La lumière de la journée et le noir de la nuit. Vous savez que le noir de la nuit aussi à notre service. Pour que nous puissions bien dormir. Et Dieu fait concourir toutes choses au bien de l'homme. Et Paul dit, obéissez car cela est juste. C'est vrai, non? Cela est juste. Autrement, si vous n'obéissez pas, ce n'est pas juste. Dites à ton voisin, si tu n'obéis pas, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de ta part. Aïe tout, aïe obéir. C'est injuste. La désobéissance est injuste. Parce que Dieu a déjà fait les choses merveilleuses qui ne peuvent que t'aider à obéir. Regardez encore Éphésiens. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. Ensuite, c'est le premier commandement. Ni amri ya kwanza. Accompagné d'une promesse. Ambao unasindikizwa na ahadi. Verset 3. Shaili la 3. Quand tu as obéi, qu'est-ce qui arrive? Unapotii nini nafika? Afin que tu sois heureux. Ili uwe mwenye heri. Et que tu vives longtemps na uishi sur la terre. Duniani. Retournons en Genèse. Turudi ndani ya kitabu cha Mwanzo. Fils Adam, fille Ève, obéis à Papa Dieu afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre, Adam. Depuis les jours où Adam et Ève ont péché, l'affaire là d'être heureux. Inaisha. C'est fini. Cette affaire de vivre longtemps. Inaisha. C'est fini. Afin que tu vives longtemps. Que tu sois heureux. Et puis vivre longtemps est important qu'à condition qu'on soit heureux. Si tu n'es pas heureux, soukoufe. Couf. Parce que je parle à quelqu'un. Je n'ai pas dit. À quoi ça sert de vivre longtemps ou mateso? Tu fais quoi là? Meurs, pars. Et Dieu a dit à Adam et Ève, le jour où tu désobéis, tu mourras. En fait, toutes les merveilles que j'étais en train d'envisager pour toi vont mourir. Et on voit les enfants d'Adam et Ève, les premiers enfants, Caïn et Abel. Il n'y a pas de bonheur. Ils se battent. Les grands frères tuent les petits frères. D'où ça vient? Désobéissance de papa et maman. Wasi wa baba na mama. Ça a ramené le malheur. Ikaleta mateso. Le contraire d'être heureux, c'est quoi? Kinyume ya kuwa mwenye heri ni nini? Être malheureux. Ni kuwa mwenye si ole. Tes enfants doivent s'entretuer, kama watoto wako wanapasha c'est le bonheur. Je c'est ça kura. Heureux. Je hiyo ndio heri. Heureux serez-vous quand vos enfants s'entretueront. Utakuwa mwenye heri wakati watoto wenu watakuwa wakiuana. Obéissance, mes frères. Utiivu, ndugu zangu. Dites à ton voisin. Abia jirani yako. Obéissance, ma sœur. Utiivu, dada yango. Obéissance. Insiste. Obéissance, Njo. Obéissance. Musilale, mbona muna sinzia. Mwambiane, obéissance. Obéissance. Utiivu. Obéissance. Utiivu. Tu rates l'obéissance dans ta vie. Le a fait que tu vives longtemps. Même quand tu vas dans un foyer, tu rates l'obéissance dans le foyer là. Ça s'applique. Ce foyer là ne vivra pas longtemps. Que le mariage soit honoré de tous. Et tu dis, c'est moi l'homme, dit. Les hommes ne doivent être pas cloisonnés dans un petit coin là. Non. Quand même, je suis quand même l'homme dans la maison. Nous sommes quand même les hommes, non? On doit quand même être libre. Laissez-nous, non? Et puis tu commences à aller à gauche, à droite. Tu commences la désobéissance en matière de foyer. Afin que tu vives longtemps, le foyer va vivre longtemps. Même les enfants, vous désobéissez à vos parents. Le texte s'applique. Tu veux être durable, heureux, sois obéissant. Dans les entreprises, tu veux rester longtemps à ton poste. Tu fais comment? Tu veux garder ton poste? On fait comment pour garder le poste? Obéissance. Et tu entres dans la désobéissance. Et tu viens user les genoux de ton pasteur. Pasteur. Mon chef là, vraiment je ne comprends pas. Vraiment ce chef c'est un démon. Vraiment, est-ce que tu es obéissant? Le prof vous a dit, lisez ici, là-bas et là-bas. Tu es allé jouer au... Et puis tu viens à l'examen. Tu as réussi. Au lieu d'aller lire et préparer tes cours, tu vas dans ton WhatsApp. Ensuite, tu navigues dans les Facebook. Facebook. Et puis, tu trouves des choses à envoyer à tout le monde. Nous allons maintenant voir si tu vas écrire cette vidéo. Quel est ton problème? Tu n'as pas obéi au prof. Tu échoues. Tu es à la moquette. Intercesseur. On te dit ici, c'est la sanctification. Tu ne veux pas obéir. Et on chasse les démons. Ces démons entrent à toi. Hein? Kwa jina la Yesu toka. Au nom de Jésus sort. Zinachomoka piu, zinaingia kwako piu. Quel est ton problème? Sida yako ni gani? Désobéissance. Kukosa utiivu. La désobéissance. Wasi. Bon, essayons d'enseigner un peu. Tupime kufundisha kidogo. Bwana sifiwe. Amen. Nous parlons de l'obéissance amoureuse. Il est écrit dans 1 Jean 4, 19. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier. Et nous avons vu que les relations fondamentales depuis le commencement sont basées sur l'obéissance. Alors prenez avec moi Daniel chapitre 3, versets 15 à 18. De trois jeunes gens qui sont menacés de mort. Regardez ça. Verset 15. Le roi Nebuchadnezzar à Babylone. Veut qu'on l'adore. Il a fabriqué une statue. Et cette statue, tout le monde doit l'adorer. Et il y a quatre jeunes gens dans le pays. Ils disent, nous on n'adore pas ça parce que c'est prévu chez nous. On n'adore que Dieu. Bwana sifiwe. Amen. Alors Nebuchadnezzar dit ceci. Sasa Nebuchadnezzar anasema. Maintenant tenez-vous prêts. Sasa et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de psalmeterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Vous voyez ça? Ils disent quoi? Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Bienyebiko. Voici. Nous n'avons pas besoin de vous te répondre à ce sujet. Ce qu'il y a, c'est que nous n'allons pas. Voici. Tazama. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de colère. Il changea de visage. Tournant ses regards contre ces jeunes gens, il reprit la parole. Ordonne de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Et puis commande qu'on les jette dedans. Verset 22. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffé, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Moto ikaunguza watu ambao walitupa Shadrach, Meshach et Abednego. Ikawaua. Si tu t'arrêtes là, ukiishia hapo, tu vas dire donc Shadrach aussi est déjà mort. Nikusema Shadrach naye ameshakufa tayari. Pas si celui qui te jette dans le feu est déjà mort. Kama ula mbana kutupa ndani ya moto ameshakufa. Andugu wapenzi. Bien-aimé. Na kunyangula. Je te soulève. Na kutupa ndani. Je te jette dans le feu. Je suis fournaise. Mort. Nimekufa. Et alors toi? Na kisha sasa wewe. Et regardez la description. Natazama ça s'appelle fournaise. Inaitwa tanuru. C'est pas un feu de brousse. Haiko moto ya kuwaka ndani ya pole. C'est un feu encadré. Ni moto kabisa ambao wamejengea vizuri. Pour qu'il n'y ait pas de déperdition. Ili kusikue moto kubwa. De la puissance du feu. Ili ile nguvu ya moto. Le feu est encadré. Moto inajengewa vizuri. Il n'y a pas de possibilité pour Shadrach. Hakuna uwezekano kwa Shadrach. De dire je vais être rapide dans une seconde, je tombe dedans et je saute. Je sors. Anasema nitaingia sekondi moja na ruka natoka. Hapana, hakuna kwa kurukia. Il y a pas là où tu peux sauter. Tu es dedans, tu es dedans. Uko ndani kabisa, uko ndani. Les bourreaux viennent de mourir. Walio watupo wamemaliza kufa. Les jeunes gens sont dedans. Sasa vijana wako ndani. Et ils se promènent. Na wako wanatembea. Naweza kuwa nafanya mashingo hivi. Mtu apime. Ils étaient en train de relever la tête. Kaza sababu que pime. Roi Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar pima sasa. Wakiwa mfalme Nebuchadnezzar. Banyorosha shingo. Ils relevaient leur cou. Tuko mumoto sasa. Nous sommes dans le feu maintenant. Tuko ndani. Nous sommes dedans. Sasa sema. Parle maintenant. Écoutez, ma frère, sœur. Les ciels ouverts ont la puissance inawezo de traverser la fournaise et de gérer une fournaise. La face de Dieu, le rayon de la face de Dieu, lorsqu'il ouvre son ciel, a le pouvoir de venir dans une fournaise, de venir dans la fournaise où tu te trouves. La fournaise de la pauvreté, la fournaise de la misère, la fournaise de toutes sortes de choses. Quand Dieu ouvre son ciel, en réponse à l'obéissance, l'obéissance séduit Dieu. Hey! Qu'est-ce qui vient de se passer? Les jeunes gens ont obéi avec amour. Ils ont eu une obéissance amoureuse. Ils ont dit, voici, notre Dieu peut nous sauver. C'est-à-dire, nous sommes disposés aussi à mourir. Vous regardez, c'est qu'il n'y a pas une prévision qu'on va les sauver. Et ils sont conscients. C'est-à-dire, ils sont prêts pour la mort. Et quand ils disent, nous n'allons pas obéir, ils sont en train de signer leur mort. Ils disent, mieux vaut mourir que d'adorer une statue. Ça, c'est l'obéissance amour. J'aime Dieu. Je suis prêt à tout pour mon Dieu. Je suis prêt à obéir à mon Dieu. S'il faut que ça m'écoute, ça m'écoutera. Mais comme je suis sous le ciel ouvert, le Dieu à qui j'obéis, on va voir ce qu'il voudra faire. S'il veut nous laisser mourir, ça va. Mais je sais qu'il va me sauver. Ok. Il est écrit, on les avait ligotés. Pour qu'ils ne cherchent pas à se sauver. Aussi pour faciliter les bourreaux de les jeter comme un colis dedans. C'est facile de jeter un colis que de jeter un être humain si qu'on a balancé migou. Parce que cet être humain que tu jettes dans le feu, il peut te ramener avec lui. On les a ligotés. Et la Bible dit, dès qu'ils tombent dedans, les liens ne sont pas. Les difficultés que tu as subiront le coup de Nebuchadnezzar. Mais ton intégrité physique, ton intégrité morale subira la protection du Dieu qui est au-dessus de l'échelle, le Dieu qui habite au sommet de l'échelle. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu lorsqu'il ouvre son ciel sur notre existence. Nos ennemis vont subir le coup des hommes, y compris le coup de Dieu lui-même. Mais nous-mêmes, nous allons subir les quatre garanties et les trois prévisions. Lève-toi, nous allons prier. Lève-toi rapidement. Seigneur, merci. Bonne santé. Quelqu'un veut dire Seigneur. Kuna mtu anahitaji kusema Bwana. Mon cœur là. Moyo wangu hapa. Mon cœur, mon cœur. Moyo wangu. Mbona hukua kina obeir roho yangu. Pourquoi tu n'obéis pas mon cœur? Nous allons prendre quelques minutes. Tutachukua dakika kidogo. Chacun prie pour son cœur. Kila mtu anaombea. Ce cœur là est dangereux. Ça peut te priver du ciel ouvert. Le cœur la désobéissance, ça peut vraiment t'empêcher. Évite d'être comme Judas dans l'équipe Arche. Les autres vivent le ciel ouvert, toi tu vis le ciel fermé jusqu'à la mort. Évite ça. Prie pour ton cœur. Prions notre Dieu. Chacun parle à Dieu pour son cœur. Prie pour ton cœur. Dites mon âme, tu dois obéir. Tu dois obéir, mon âme. Mon âme, tu m'as trop trahi. Tu m'as trop trahi, mon âme. Mon cœur, tu m'as beaucoup trahi. C'est à cause de toi que le ciel est resté longtemps fermé. Il serait déjà ouvert. Je suis dans la désobéissance. Quelqu'un prie le Seigneur. Prions sérieusement. C'est capital cette prière. Parce que si tu résous les problèmes de la désobéissance dans ta vie, tu entres à la porte du ciel ouvert. Nous prions le Seigneur. Quelqu'un prie pour son cœur, prie pour ton cœur, frère. Prie pour ton cœur, ma sœur.